إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أنكم ستقفون يوما بين يدي الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى سائلكم عما قدمتم في هذه الحياة، فأعدوا للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال تعالى في الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. واعلموا أيها المسلمون أن أول ما تكون المسألة عندما يدرج المرء في قبره، ففي مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت إن كان مؤمنا يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وإن الكافر يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. Chers musulmans et musulmanes, sachez que vous serez debout devant votre Seigneur subhanahu wa ta'ala à rendre compte de tous vos faits et gestes et paroles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous questionnera sur chaque chose que vous aurez œuvrer dans cette vie d'ici-bas. Préparez donc aux questions des réponses et préparez des réponses qui sont justes et qui sont véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, selon le sens, si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut, et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Et Allah azza wa jalla dit dans sourate Al-Anbiya, il ne sera pas questionné sur ce qu'il fait, à savoir Allah Azza wa Jal, mais eux par contre seront questionnés, à savoir ses serviteurs. Et les versets, chers musulmans et musulmanes, qui vont dans ce sens, sont extrêmement nombreux. Puis sachez que le questionnement et les interrogations commenceront une fois que la personne sera enterrée dans sa tombe. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, selon le Bara ibn Azib, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le défunt, lorsqu'il est croyant, deux anges viennent à lui. Ils le font asseoir, ils lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Mon Seigneur est Allah ». Ils lui diront « Quelle est ta religion ?» Il dira « Ma religion est l'islam ». Ils lui diront « Quel est cet homme qui vous a été envoyé ?» Il répondra « C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Puis un appeleur des cieux dira « Mon serviteur a dit vrai. Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui le paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Et quant aux mécréants, deux anges viendront à lui et lui diront « Quel est ton Seigneur ?» Il dira « Ha, ha, je ne sais pas. » Puis ils lui diront « Quelle est ta religion ? Quel est ton prophète ?» Ils lui diront, il dira « Ha, ha, je ne sais pas. » Ils lui diront « Quelle est ta religion ?» Il dira « Ha, ha, je ne sais pas. » Et un appeleur des cieux dira « Il a menti. Préparez-lui l'enfer. » Et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Ayyuhal muslimoun, wa inna a'zama al-mas'ala, wa inna a'zama al-mas'ala, wa a'zama ma yus'alu anhu an-nas yawm al-qiyamah, su'alan 'aziman, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala anhuma. Al-awwal madha kunta ta'bud, wath-thani madha ajabtum al-mursalin. Wa jawab al-awwal تحقيق لا إله إلا الله علما وعملا وإخلاصا وجواب الثاني تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وعملا وطاعة واعلموا أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة كتاب الله عز وجل كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي عن هذا القرآن هل عملتم به فيكون حجة لكم أم فردتم فيكون حجة عليكم وذلك أن القرآن إنما أنزل ليعمل به واعلموا أن أعظم الأعمال وأجلها أواجلها هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وفي الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته فينظر فيها فإذا صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر واعلموا أن العبد يسأل يوم القيامة عن عمره كله وعن مرحلة الشباب سؤالا خاصا فيما أنضاه وفيما صرفه ويسأل عن أمواله من أي طريق اكتسبها وكيف صرفها وأنفقها ويسأل عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل به ففي سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم واعلموا أيضا أيها المسلمون والمسلمات أن حواس المرء من لسان وسمع وبصر كل ذلكم يسأل عنه يوم القيامة قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما كان من العبد في هذه الحياة من تعديات على الناس في مال أو نفس أو عرض فإنه يسأل عنه يوم القيامة فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. رواه البخاري ومسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que deux questions immenses seront posées à chacun d'entre nous. La première de ces questions est « Qu'adorais-tu ?» Et la deuxième question est « Comment avez-vous répondu à l'appel des envoyés ?» La réponse à la première question est l'explication de « La ilaha illallah » que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, de connaître cette parole, de la mettre en pratique et d'adorer Allah Azza wa Jal en toute sincérité. Quant à la réponse à la deuxième question, elle revient à la mise en œuvre de la seconde attestation qui est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et envoyé d'Allah, de savoir ce que cela signifie, de mettre en pratique cette attestation et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis sachez que vous serez questionné également le jour du jugement sur le Coran, sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, c'est certainement un rappel, c'est-à-dire le Coran, c'est certainement un rappel pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogé. C'est-à-dire que vous serez interrogé au sujet de ce Coran. L'avez-vous mis en pratique? Dans ce cas, il sera une preuve pour vous. Ou alors, avez-vous été négligent face à ce Coran? Dans ce cas, il sera une preuve contre vous. Et le Coran n'a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala que pour qu'il soit mis en application. Puis sachez que la plus immense des œuvres, la chose la plus importante sur laquelle sera questionné le serviteur le jour du jugement, et ce qui est rapporté dans le hadith de Anas, rapporté par l'imam At-Tabarani, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur le jour du jugement sera sa prière. L'on regardera celle-ci, si elle est bonne, il connaîtra la félicité. Si par contre, sa prière est mauvaise, alors il aura perdu. Sachez également que vous serez questionné sur l'ensemble de votre temps d'existence dans cette vie d'ici-bas. Et vous serez questionné de façon plus particulière sur votre jeunesse. Comment l'avez-vous passée? Et quel usage en avez-vous fait? Et sachez que vous serez questionné sur vos biens. De quelle manière les avez-vous obtenus? Et de quelle façon les avez-vous dépensés et utilisés? Sachez également que vous serez questionné sur la science que vous avez. L'avez-vous mis en pratique ou non? L'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam sera questionné le jour du jugement sur 5 choses, sur son temps de vie, comment l'a-t-il utilisé, sur sa jeunesse, comment il l'a exploité, sur ses biens, d'où les a-t-il obtenus et comment les a-t-il dépensés et qu'a-t-il mis en pratique de sa science. Et sachez également que les sens de l'être humain seront questionnés, que ce soit la langue, la parole, l'ouïe, la vue. Vous serez questionné sur tout ceci le jour du jugement. Il dit Azza wa Jal, sont le sens et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sachez également que toute offense qui a été commise envers une personne, que ce soit dans ses biens, que ce soit dans sa personne, que ce soit dans son honneur, que tu seras questionné sur toute atteinte que tu auras proférée. Abdullah ibn Abi Bakra, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce discours le jour de Arafat, comme le caractère sacré de ce jour-ci, comme le caractère sacré de cette terre-ci, à savoir la terre sacrée de la Mecque, dans ce mois sacré qui est celui-ci, à savoir le mois de Dhul-Hijjah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et vous rencontrerez votre Seigneur et il vous questionnera sur tous vos actes. وَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ صَاحِبَ وِلَايَةٍ عَامَّةٍ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةٍ يُسْأَلُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع وفي أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذا النعيم الذي من الله عليه به في هذه الحياة من مسكن أو مركب أو مطعم أو مشرب أو ملبس. وقد جاء في الحديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال قلت يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون، أي وإذا كان سيكون أيها المسلمون، أي السؤال عن هذا النعيم وإن قل وإن كان تمرا وماء، كيف بمن وسع عليه في النعيم والعطاء من مسكن واسع ومركب مريح ومطاعم ومشارب ومتنوعات. فإن كل ذلك أيها المسلمون يسأل عنه العبد يوم القيامة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que toute personne qui a une autorité, qu'elle soit réduite ou générale, il sera questionné le jour du jugement. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous des responsables, vous êtes tous des bergers, et vous êtes tous responsables de votre troupeau. L'imam, c'est-à-dire le gouverneur, est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme est un berger vis-à-vis de sa famille et il est responsable de son troupeau. Et la femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous serez questionnés également le jour du jugement sur tous les bienfaits dont Allah Azzawajal vous a comblé dans cette vie d'ici-bas. Que ce soit les maisons que vous habitez, que ce soit les moyens de locomotion que vous utilisez, que ce soit la nourriture, la boisson que vous consommez, ou que ce soit les vêtements que vous revêtez. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu rapporte que lorsqu'Allah Azzawajal a révélé sa parole subhanahu wa ta'ala, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, puis vous serez questionnés ce jour-là sur les bienfaits. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, et sur quel bienfait serons-nous questionnés? Nous n'avons que des dattes et de l'eau. Nous n'avons que des dattes et de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous serez questionnés sur cela. Sachez donc, chers musulmans et musulmanes, que vous serez questionnés sur tous les bienfaits dont vous jouissez, minimes soient-ils, même si ce n'est que de l'eau et des dattes. Que dire alors de celui dont Allah Azzawajal comble de ses bienfaits vastes, celui à qui Allah Azzawajal a accordé une vaste demeure, celui à qui Allah Azzawajal a accordé un moyen de locomotion plus que confortable, celui qui a à sa disposition de la nourriture et des boissons de toutes sortes? Il sera sans aucun doute questionné sur tout cela le jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، من كان من الناس مفرطا مضيعا فإن الفرصة أمامه مهيئة وميسرة، ما لم تغرغر روحه وما لم تطلع الشمس من مغربها. وليتدارك كل مفرط قبل الفوات، وليغنم عمره قبل الموت. وإذا سوف له وإذا سوف وأجل المرء فلربما داهمه الموت فندم بعد ذلك ندامة عظيمة. ومن أحسن فيما بقي من حياته، وإن قل غفر له ما أمضاه في حياته وإن كثر. وتأملوا في هذا الباب قصة عظيمة رواها أبو نعيم في كتابه الحلية عن إمام من أئمة التابعين، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، أنه لقي رجلا فقال له: كم أنت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق إلى الله وأنك قد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أو تعرف تفسيره؟ قال: يا أبا علي، وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي إنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنك موقوف بين يدي الله. وإذا علمت أنك موقوف بين يدي الله، فاعلم أنه سائلك. وإذا علمت أنه سائلك، فأعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إذا إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que celui parmi nous qui est manquant vis-à-vis de ses devoirs, qu'il sache que l'occasion se présente devant lui pour se repentir devant Allah Azzawajal. L'occasion se présente devant lui, une occasion qu'il se doit de saisir avant que son âme ne sorte et n'atteigne sa gorge, et avant que le soleil ne se lève de l'endroit où il se couche. Chers musulmans et musulmanes, que chacun se remette en question et que chacun profite du temps de vie qui lui reste avant que la mort ne le frappe. Car celui qui remet toujours au lendemain, celui qui retarde toujours les urgences, viendra un jour où il regrettera et il sera pris de remords immenses. Et celui qui est bienfaisant dans ce qui lui reste comme temps de vie, eh bien, ses péchés lui seront pardonnés, même si ce qu'il a œuvré dans son existence est grand en péché. Et méditez cette histoire bénéfique que l'imam Abu Nu'aym rapporte dans son livre Al-Hilya, parmi un des imams des tabi'in, qui n'est autre que l'imam Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Il a rencontré un homme et lui a dit: quel âge as-tu? Où en es-tu dans ton temps de vie? L'homme a répondu: j'ai 60 ans. Il lui a répondu, Al-Fudayl ibn Iyad lui a répondu: ne sais-tu pas que tu as emprunté le chemin qui amène vers Allah et qu'il est possible que tu aies atteint la fin de ce chemin? L'homme a répondu: nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Al-Fudayl ibn Iyad lui a dit: connais-tu la signification de cette parole? Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. L'homme a répondu: ô Abu Ali, donne-moi l'explication de cette parole. Abu Ali qui était la kunya de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. L'imam Al-Fudayl ibn Iyad lui a répondu, Inna lillah, nous appartenons à Allah. C'est-à-dire que nous sommes les serviteurs d'Allah. Et c'est vers lui que nous retournerons. C'est-à-dire que nous reviendrons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu sais que tu es un serviteur d'Allah, et lorsque tu sais que tu retourneras vers Allah, sache que tu seras exposé et que tu seras exposé devant Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant que tu es exposé devant Allah, sache qu'Allah azza wa jalla te questionnera. En sachant qu'Allah azza wa jalla te questionnera, prépare donc une réponse à cette question. L'homme a répondu, quelle solution ou quelle issue me proposes-tu? Al-Fudayl ibn Iyad a répondu, l'issue est simple, la solution est aisée. L'homme a répondu, quelle est-elle? Il a répondu, sois bienfaisant dans ce qu'il te reste comme temps de vie. Tes péchés seront pardonnés. Tes péchés antérieurs seront pardonnés. Par contre, si tu continues ton chemin de la mauvaise façon, si tu continues ton chemin en désobéissant à Allah Azza wa Jal, alors tu devras rendre compte des actes que tu as commis auparavant et de ceux que tu auras commis par la suite. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين